No stress, oh no stress mec, surtout surtout pas de stress, oh no stress mec, ouais mec, surtout surtout pas de stress, oh no stress mec, oh surtout surtout pas de stress, oh no stress mec, No stress, mec. Oh yeah. No stress, mec. Oh, surtout pas de stress. No stress, mec. Oh, surtout pas de stress. No stress, mec. Oh, surtout pas de stress. No stress, mec. No stress, mec. Surtout pas de stress. No stress, mec. Surtout pas de stress. No stress, mec. Surtout pas de stress. Quoi? Comment? Pourquoi? Oh, on se bourre la gueule, tant qu'on peut et on n'a jamais rien, et ceux qui ne font rien. En fait, ils se stressent, quoi. Bon alors, ça s'éteint cette merde?